patate dans les chansons. Pas de place pour leur femme. Bonne tension. Jordan Beat Bazané Boss One Daoud la distrib haute tension Vapo Bentac Neuilly-sur-Marne Marseille parce qu'ici le beat n'est plus une piste sûre, Iblis te surveille puis te pisse dessus. Triste but, dis shit, le vice te bute. Parano, le coin est blindé de fils de f. L'état aura ta peau, comment refléter le drapeau. Choisis entre le braco et le bac pro. Chacun sa voix, sa foi son savoir. On conjugue demain avec être et avoir. Ici la rage parle, la mort est maniable. La masse attend le mariage de Marie-Jeanne et Marianne. Perdu, c'était pas dans le contrat. Ils attendent qu'on craque, il faut l'imprimer dans ton crâne. Relève la tête, veut croiser ton regard, Aya, cise là ton car, le bitume te bombarde, les esprits. Vagabonde, marche à l'ombre, les embrouilles à la longue, c'est la tombe. Levons l'étendard, vendons nos fiertés, ne pas rester dans le tard, on réclame la liberté. Cherche la paix en fuite dans tous bordel vieux, trouve ta place entre bise et arbre. Levons l'étendard, vendons nos fiertés, ne pas rester dans le tard, on réclame la liberté. Le coin son fumant, tape sur le morveux, que l'on tue la haine émigre vers d'autres cieux. Je viens de là où la jeunesse est zinzin, rêve la vie de Zizou amené à lutter comme aucun un. Là où on s'entretue dans ces rues pour pas un, à force de l'année sur le gratin, le finesse catin. Là où Dang Pen pleuve comme si c'était normal, comme si c'était d'Azamal, quoi de plus banal. Regarde l'univers carcéral, quoi il est peuplé, de gens sortis de nos coins, nos morts reposent en paix. Je prie chaque jour pour que ma maman fût là où elle a maqué. Si elle chope, c'est la merde, visage marqué. Le cerveau bloqué par des rêves inaccessibles, on se trompe souvent de cible, pas de place pour leur fable. Ici c'est jungle, l'amour se barre peu à peu. Dangereux selon mon binôme et ses aveux. Beat qui sonne creux, 1-4-3 Félix. Navré par cette vie de chien, Dieu m'en éloigne. Levons l'étendard, vendons nos fiertés, ne pas rester dans le dark, on réclame la liberté. Cherche la paix en fuite dans tous bordel vieux, trouve ta place entre bise et arbre. Levons l'étendard, vendons nos fiertés, ne pas rester dans le dark, on réclame la liberté. Le coin son fumant, dark pour le morveux, que l'on tue la haine et migre vers nous. Mais sur main transit, pas le temps de rester pensif, baisse pas la carte, reste sur la défensive. Depuis que la rue a épousé le 666, zone sensible, ce qui s'ensuit, patate dans les gencives. La rue a mal, la paix est en cavale, la joie s'est fait la malle, madame est dans la cave, les gosses mangent le macadam. Liaison fatale entre les halls et l'illicite, je suis juste lyriciste qui ne veut pas mourir ici. De là où, faut trouver la faille, voyou, où ta soi-disant cam n'est qu'au fond que du caillou. Là-bas tu parles mal-être frère, ce monde m'agresse. Conséquence d'une balle dans la tête, je partirai peut-être avant la retraite. J'obtiendrai pas ma trêve, la vertu ne tient plus les rênes. Laissez-moi m'évader s'il reste un peu de place pour les rêves. C'est chez nous. Tout se vend et s'achète. Va pleurer en cachette, n'appuie pas sur la gâchette. Levons l'étendard, vendons nos fiertés, ne pas rester dans le dark, on réclame la liberté. Cherche la paix en fuite dans tous bordel vieux, trouve ta place entre bise et arbre. Levons l'étendard, vendons nos fiertés, ne pas rester dans le dark, on réclame la liberté. Le coin son fumant, d'art pour le morveux, que l'on tue la haine et migre vers d'autres cieux.